habite tout nu dans un carton. J'ai une fenêtre sur la rue. Sur le trottoir, sur les piétons. Et sur mes amours perdus. Dans mon carton, je n'ai pas d'histoire. Je suis le roi du trottoir. Quand il le faut, je me déplace avec ma boîte, mon seul habit. Dans ma robe, ma carapace, je ne suis pas vraiment sans abri. Quand je n'en peux plus, je me pose par terre. Et je rêve d'une fille solitaire. Je suis une sorte de sans-domicile. Je ne mange que ce qu'on me donne. J'ai les yeux ouverts sur la ville. Et je vois tout. Pardonne. Les passants jamais ne s'arrêtent. Ils courent en baissant la tête. Costume gris d'une existence bien programmée, avec accès au paradis, high-tech pour les cerveaux paumés. Ouais, je suis parti un matin. Tracer mon chemin pour faire l'escargot dans les rues. J'ai tout le confort dans ma boîte. Je suis une sorte de tortue à l'abri dans ma caisse étroite. Je n'ai plus rien à redouter. Je n'ai plus rien, j'ai tout jeté. J'habite tout nu dans un carton. J'ai une fenêtre sur la rue. Sur le trottoir, sur les piétons. Sur mes amours perdus, j'ai une fenêtre sur la rue et sur mon amour perdu, j'ai une fenêtre sur la rue.